en Islande, chapitre 30. Pierre, le bon enfant, Odé a tout perdu. Régnier. Le régiment des arquebusiers de Munkholm est en marche à travers les défilés qui se trouvent entre Drontheim et Skongen. Tantôt il côtoie un torrent et l'on voit la file des baïonnettes ramper dans les ravines comme un long serpent dont les écailles brillent au jour. Tantôt il tourne en spirale alentour d'une montagne qui ressemble alors à ces colonnes triomphales autour desquelles montent des bataillons de bronze. Les soldats marchent, les armes basses et les manteaux déployés, d'un air d'humeur et d'ennui, parce que ces nobles hommes n'aiment que le combat ou le repos. Les grosses railleries, les vieux sarcasmes qui faisaient hier leurs délices ne les égaient pas aujourd'hui. L'air est froid, le ciel est brumeux. Il faut au moins, pour qu'un rire passager s'élève dans les rangs, qu'une cantinière se laisse tomber maladroitement du haut de son petit cheval barbe, ou qu'une marmite de fer blanc roule de rocher en rocher jusqu'au fond d'un précipice. C'est pour se distraire un moment de l'ennui de cette route que le lieutenant Randmer, jeune baron danois, aborda le vieux capitaine Lorry, soldat de fortune. Le capitaine marchait, sombre et silencieux, d'un pas pesant, mais assuré. Le lieutenant, leste et léger, faisait siffler une baguette qu'il avait arrachée aux broussailles dont le chemin était bordé. « Eh bien, capitaine, qu'avez-vous donc? Vous êtes triste ?»« C'est qu'apparemment j'en ai sujet, » répondit le vieil officier sans lever la tête. « Allons, allons, point de chagrin. Regardez-moi, suis-je triste? Et pourtant, je gage que j'en aurais au moins autant sujet que vous. » « J'en doute, baron Randmer. J'ai perdu mon seul bien. J'ai perdu toute ma richesse. »« Capitaine Lorry, notre infortune est précisément la même. Il n'y a pas 15 jours que le lieutenant Albéric m'a gagné d'un coup de dé mon beau château de Randmer et ses dépendances. Je suis ruiné. Me voit-on moins gai pour cela ?» Le capitaine répondit d'une voix bien triste. « Lieutenant, vous n'avez perdu que votre beau château. Moi, j'ai perdu mon chien. » À cette réponse, la figure frivole du jeune homme resta indécise entre le rire et l'attendrissement. « Capitaine, dit-il, consolez-vous. Tenez, moi qui ai perdu mon château. » L'autre l'interrompit. « Qu'est-ce que cela ? D'ailleurs, vous regagnerez un autre château. Et vous retrouverez un autre chien. » Le vieillard secoua la tête. « Je retrouverai un chien, je ne retrouverai pas mon pauvre drac. » Il s'arrêta. De grosses larmes roulaient dans ses yeux et tombaient une à une sur son visage dur et rude. « Je n'avais, continua-t-il, jamais aimé que lui. Je n'ai connu ni père ni mère, que Dieu leur fasse paix, comme à mon pauvre drac. » « Lieutenant Randmer, il m'avait sauvé la vie dans la guerre de Poméranie. Je l'appelais Drac pour faire honneur au fameux amiral. Ce bon chien, il n'avait jamais changé pour moi, lui, selon ma fortune. Après le combat de Holfen, le grand général Schack l'avait flatté de la main en me disant « Vous avez là un bien beau chien, sergent Lorry. » Car à cette époque, je n'étais encore que sergent. « Ah ?» interrompit le jeune baron en agitant sa baguette. « Cela doit paraître singulier d'être sergent. » Le vieux soldat de fortune ne l'entendait pas. Il paraissait se parler à lui-même, et l'on entendait à peine quelques paroles inarticulées s'échapper de sa bouche. « Ce pauvre drac, être revenu tant de fois sain et sauf des brèches et des tranchées pour se noyer comme un chat dans le maudit golfe de Drontheim. « Mon pauvre chien, mon brave ami, tu étais digne de mourir comme moi sur le champ de bataille. »« Brave capitaine, » cria le lieutenant, « comment pouvez-vous rester triste? Nous nous battrons peut-être demain. » « Oui, » répondit dédaigneusement le vieux capitaine, « contre de fiers ennemis. » « Comment, ces brigands de mineurs, ces diables de montagnards ?»« Des tailleurs de pierre, des voleurs de grands chemins, des gens qui ne sauront seulement pas former en bataille la tête de porc ou le coin de Gustave Adolphe. Voilà de belles canailles en face d'un homme tel que moi, qui ai fait toutes les guerres de Poméranie et de Holstein, les campagnes de Scanie et de Dalécarlie, qui ai combattu sous le glorieux général Schack, sous le vaillant comte de Gulnello. Mais vous ne savez pas, interrompit Randmer, qu'on donne à ces bandes un redoutable chef, un géant, fort et sauvage comme Goliath, un brigand qui ne boit que du sang humain, un démon qui porte en lui tout Satan. « Qui donc ?» demanda l'autre. « Eh, le fameux Andisland !»« Brrr, je gage que ce formidable général ne sait seulement pas armer un mousquet en 4 mouvements ou charger une carabine à l'impérial. » Randmer éclata de rire. « Ouais, riez !» poursuivit le capitaine. « Il sera fort gai, en effet, de croiser de bons sabres avec de vils pioches et de nobles piques avec des fourches à fumier. Voilà de dignes ennemis. Mon brave Drac n'aurait pas daigné leur mordre les jambes. » Le capitaine continuait de donner un cours énergique à son indignation lorsqu'il fut interrompu par l'arrivée d'un officier qui accourait vers eux tout essoufflé. « Capitaine Lory, mon cher Randmer !»« Eh bien ?» dirent-ils tous deux à la fois. « Mes amis, je suis glacé d'horreur. D'Allefeld, le lieutenant d'Allefeld, le fils du grand chancelier, vous savez, mon cher baron Randmer, ce Frédéric, si élégant, si fat. » « Oui, répondit le jeune baron, très élégant. Cependant, au dernier bal de Charlottenburg, mon déguisement était d'un meilleur goût que le sien. Mais que lui est-il donc arrivé ? Je sais de qui vous voulez parler, disait en même temps Lory. C'est Frédéric d'Allefeld, le lieutenant de la 3e compagnie, qui a les revers bleus. Il fait assez négligemment son service. On ne s'en plaindra plus, capitaine Lory. Comment ? Dit Randner. Il est en garnison à Wallström, continua froidement le vieux capitaine. Précisément, reprit l'hôte. Le colonel vient de recevoir un message. Ce pauvre Frédéric. Mais qu'est-ce donc, capitaine Bollard ? Vous m'effrayez. Le vieux Lory poursuivit. Brr, notre fat aura manqué aux appels, comme à son ordinaire. Le capitaine aura envoyé en prison le fils du grand chancelier. Et voilà, j'en suis sûr, le malheur qui vous décompose le visage. Bollard lui frappa sur l'épaule. Capitaine Lory, le lieutenant d'Allefeld a été dévoré tout vivant. Les deux capitaines se regardèrent fixement, et Randmer, un moment étonné, se mit tout à coup à rire aux éclats. « Capitaine Bollard, je vois que vous êtes toujours mauvais plaisant, mais je ne donnerai pas dans celle-là, je vous en préviens. » Et le lieutenant, croisant ses deux bras, donna un libre essor à toute sa gaieté, en jurant que ce qui l'amusait le plus, c'était la crédulité avec laquelle Lory accueillait les amusantes inventions de Bollard. « Le comte, disait-il, était vraiment drôle, et c'était une idée tout à fait divertissante que de faire dévorer tout cru ce Frédéric, qui avait de sa peau un soin si tendre et si ridicule. « Randmer, dit gravement Bollard, vous êtes un fou. Je vous dis que d'Allefeld est mort, je le tiens du colonel. Mort !»« Oh, qu'il joue bien son rôle !» reprit le baron toujours en riant. « Qu'il est amusant !» Bollard haussa les épaules et se tourna vers le vieux Lory, qui lui demanda avec sang-froid quelques détails. « Oui, vraiment, mon cher capitaine Bollard, » ajouta le rieur inextinguible, « comptez-nous donc par qui ce pauvre diable a été ainsi mangé. A-t-il fait le déjeuner d'un loup ou le souper d'un ours ?»« Le colonel, » dit Bollard, vient de recevoir en route une dépêche qu'il instruit d'abord que la garnison de Wallström se replie vers nous, devant un parti considérable d'insurgés. Le vieux Lory fronça le sourcil. « Ensuite, poursuivit Bollard, que le lieutenant Frédéric d'Allefeld, ayant été, il y a 3 jours, chassé dans les montagnes, du côté de la ruine d'Arbar, y a rencontré un monstre qui l'a emporté dans sa caverne et l'a dévoré. Ici, le lieutenant Randemer redoubla ses joyeuses exclamations. Comme ce bon Lory croit au conte d'enfant. C'est bien, gardez votre sérieux, mon cher Bollard. Vous êtes admirablement drôle. Mais vous ne nous direz pas quel est ce monstre, cet ogre, ce vampire qui a emporté et mangé le lieutenant comme un chevreau de 6 jours? Je ne le vous dirai pas, à vous, murmura Bollard avec impatience. Mais je le dirai à Lory, qui n'est pas follement incrédule. Mon cher Lory, le monstre qui a bu le sang de Frédéric, c'est Andisland. Le colonel des brigands? S'écria le vieux officier. Eh bien, mon brave Lory, reprit le railleur Randemer, a-t-on besoin de savoir l'exercice à l'impérial quand on fait si bien manœuvrer sa mâchoire? Baron Randemer, dit Bollard, vous avez le même caractère que Dallowfield. Prenez garde d'avoir le même sort. J'affirme, s'écria le jeune homme, que ce qui m'amuse le plus, c'est le sérieux imperturbable du capitaine Bollard. Et moi, répliqua Bollard, ce qui m'effraie le plus, c'est la gaieté intarissable du lieutenant Randemer. En ce moment, un groupe d'officiers, qui paraissait s'entretenir vivement, se rapprocha de nos trois interlocuteurs. « Ah, pardieu ! » s'écria Randemer. « Il faut que je les amuse de l'invention de Bollard. »« Camarades ! » ajouta-t-il en s'avançant vers eux. « Vous ne savez pas ? Ce pauvre Frédéric Dallefeld vient d'être croqué tout vivant par le barbare Andisland. » En achevant ces paroles, il ne put réprimer un éclat de rire. À sa grande surprise, fut accueilli des nouveaux venus presque avec des cris d'indignation. Comment ? Vous riez ? Je ne croyais pas que Randemer dût répéter de cette manière une semblable nouvelle. Rire d'un pareil malheur. Quoi ? Dit Randemer troublé. Est-ce que cela serait vrai ? Hé ! Hey, c'est vous qui nous le répétez ! Lui cria-t-on de toutes parts. Est-ce que vous n'avez pas foi en vos paroles ? Mais je croyais que c'était une plaisanterie de Bollard. Un vieux officier prit la parole. La plaisanterie eût été de mauvais goût. Mais ce n'en est malheureusement pas une. Le baron Wetaun, notre colonel, vient de recevoir cette fatale nouvelle. Une affreuse aventure, c'est effrayant, répétèrent une foule de voix. Nous allons donc, disait l'un, combattre des loups et des ours à face humaine. « Nous recevrons des coups d'arquebuse, disait l'autre, sans savoir d'où ils partiront. Nous serons tués un à un, comme de vieux faisans dans une volière. »« Cette mort, Dallefeld, cria Bollard d'une voix solennelle, fait frissonner. Notre régiment est malheureux. La mort de Dispolsen, celle de ces pauvres soldats trouvés à Cascadimor, celle de Dallefeld, voilà trois tragiques événements en bien peu de temps. » Le jeune baron Randemer, qui était resté muet, sortit de sa rêverie. « Cela est incroyable, » dit-il. « Ce Frédéric, qui dansait si bien !» Et après cette réflexion profonde, il retomba dans le silence. Tandis que le capitaine Lory affirmait qu'il était très affligé de la mort du jeune lieutenant et faisait remarquer au second arquebusier, Doric Belfast, que le cuivre de sa bandoulière était moins brillant qu'à l'ordinaire. Chapitre 31. Chut, chut. Voilà un homme qui descend de là-haut par le moyen d'une échelle. Oh oui, c'est un espion. Le ciel ne pouvait m'accorder une plus grande faveur que celle de pouvoir vous livrer. Ma vie, je suis à vous. Mais dites-moi, de grâce, à qui appartient cette armée ? Au comte de Barcelone. Quel comte ? Qu'est-ce donc ? Général, voilà un espion de l'ennemi. D'où viens-tu ? Je venais ici, bien éloigné de songer à ce que je devais y trouver. Je ne m'attendais pas à ce que je vois. Lope de Vega, la Fuerza Lastimosa. Il y a quelque chose de sinistre et de désolé dans l'aspect d'une campagne rase et nue, quand le soleil a disparu, lorsqu'on est seul, qu'on marche en brisant du pied des tronçons de paille sèche au cri monotone de la cigale, et qu'on voit de grands nuages déformés se coucher lentement sur l'horizon, comme des cadavres de fantômes. Telle était l'impression qui se mêlait aux tristes pensées d'Ordener, le soir de son inutile rencontre avec le brigand d'Islande. Étourdi un moment de sa brusque disparition, il avait d'abord voulu le poursuivre, mais il s'était égaré dans les bruyères, et il avait erré toute la journée dans des terres de plus en plus incultes et sauvages, sans rencontrer trace d'homme. À la chute du jour, il se trouvait dans une plaine spacieuse qui ne lui offrait de tous côtés qu'un horizon égal et circulaire, où rien ne promettait un abri aux jeunes voyageurs exténués de fatigue et de besoin. Encore, si ses souffrances corporelles n'eussent pas été aggravées par les tristesses de son âme. Mais c'en était fait. Il avait atteint le terme de son voyage sans en remplir le but. Il ne lui restait même plus ces folles illusions d'espérance qu'il avait entraînées à la poursuite du brigand. Et maintenant que rien ne soutenait plus son cœur, mille pensées décourageantes, qui n'y trouvaient point place la veille, venaient l'assaillir. Qu'allait-il faire? Comment revenir vers Schumacher sans lui apporter le salut d'Ethel? De quelle effrayante nature étaient les malheurs que la conquête de la fatale cassette eût prévenu? Et son mariage avec Ulrich d'Allefeld? S'il pouvait du moins enlever son Ethel à cette indigne captivité, s'il pouvait fuir avec elle et emporter son bonheur dans quelque lointain exil. Il s'enveloppa de son manteau et se coucha sur la terre. Le ciel était noir, une lueur orageuse apparaissait par intervalles dans les nues, comme à travers un crêpe funèbre, et s'éteignait. Un vent froid tournait sur la plaine. Le jeune homme songeait à peine à ces signes d'une tempête violente et prochaine. Et d'ailleurs, quand il eût pu trouver un asile où fuir l'orage et se reposer de ses fatigues, en eût-il trouvé un où fuir son malheur et se reposer de ses pensées? Tout à coup, des sons confus de voix humaines arrivèrent à son oreille. Surpris, il se souleva sur le coude et aperçut, à quelque distance de lui, comme des ombres se mouvoir dans l'obscurité. Il regarda, une lumière brilla au milieu du groupe mystérieux, et Ordener vit, avec un étonnement facile à concevoir, chacune de ces figures fantasmagoriques s'enfoncer successivement dans la terre. Tout disparut. Ordener était au-dessus des superstitions de son temps et de son pays. Son esprit grave et mûr ignorait ses crédulités vaines, ces erreurs étranges qui tourmentent l'enfance des peuples de même que l'enfance des hommes. Il y avait cependant dans cette apparition singulière quelque chose de surnaturel qui lui inspira une religieuse défiance de sa raison. Car nul ne sait si les esprits des morts ne reviennent pas quelquefois sur la terre. Il se leva, fit un signe de croix et se dirigea vers le lieu où la vision avait disparu. De larges gouttes de pluie commençaient à tomber. Son manteau se gonflait comme une voile et la plume de sa toque, tourmentée par le vent, battait son visage. Il s'arrêta tout à coup. Un éclair venait de lui montrer devant ses pas une sorte de puits large et circulaire où il se serait infailliblement précipité sans la lueur bienfaisante de l'orage. Il s'approcha du gouffre. Une lumière vague y brillait à une profondeur effrayante et répandait une teinte rougeâtre sur l'extrémité inférieure de cet immense cylindre creusé dans les entrailles de la terre. Ce rayon, qui semblait un feu magique allumé par les gnomes, accroissait en quelque sorte l'incommensurable étendue des ténèbres que l'œil était contraint de traverser pour l'atteindre. L'intrépide jeune homme, penché sur l'abîme, écouta. Un bruit lointain de voix monta à son oreille. Il ne douta plus que les êtres, qui avaient étrangement paru et disparu à ses yeux, ne se fussent plongés dans ce gouffre. Et il sentit un désir invincible, parce qu'il était sans doute dans sa destinée d'y descendre après eux. Dût-il suivre des spectres dans une débouche de l'enfer? D'ailleurs, la tempête commençait avec fureur, et ce gouffre lui présentait un abri contre elle. Mais comment y descendre? Quel chemin avaient pris ceux qu'il voulait suivre, si ce n'était pas des fantômes? un second éclair vint à son secours et lui fit voir à ses pieds l'extrémité supérieure d'une échelle qui se prolongeait dans les profondeurs du puits. C'était une forte solive verticale que traversaient horizontalement, de distance en distance, de courtes barres de fer destinées à recevoir les pieds et les mains de ceux qui oseraient s'aventurer dans ce gouffre. Ordener ne balança pas. Il se suspendit audacieusement à la formidable échelle et s'enfonça dans l'abîme, sans savoir même si elle le conduirait jusqu'au fond, sans songer qu'il ne reverrait peut-être plus le soleil. Bientôt, dans les ténèbres qui couvraient sa tête, il ne distingua plus le ciel qu'aux éclairs bleuâtres qui l'illuminaient fréquemment. Bientôt, la pluie abondante qui battait la surface de la terre n'arriva plus à lui qu'en rosée fine et vaporeuse. Bientôt, le tourbillon de vent qui s'engouffrait impétueusement dans le puits se perdit au-dessus de lui en longs sifflements. Il descendit. Il descendit encore. Et à peine paraissait-il s'être rapproché de la lumière souterraine. Il continua, sans se décourager, en évitant seulement d'abaisser son regard dans le gouffre, de peur d'y être précipité par un étourdissement. Cependant, l'air de plus en plus étouffé, le bruit de voix de plus en plus distinct, le reflet pourpre qui commençait à colorer la muraille circulaire du puits, l'avertirent enfin qu'il n'était pas loin du fond. Il descendit encore quelques échelons, et son regard put voir clairement, au bas de l'échelle, l'entrée d'un souterrain éclairé d'une lueur tremblante et rouge, tandis que son oreille était frappée par des paroles qui attirèrent toute son attention. « Kenibol n'arrive pas !» disait une voix du ton de l'impatience. « Qui peut le retenir ?» répétait la même voix après un moment de silence. « Nous l'ignorons, seigneur Hackett, » répondait-on. « Il a dû passer la nuit chez sa sœur Mahasbral, du village de Surbe, » ajoutait une autre voix. « Vous le voyez, » reprenait la première. « Je tiens, moi, tous mes engagements. Je devais vous amener en Islande pour chef. Je vous l'amène. » Un murmure dont il était difficile de deviner le sens répondit à ces paroles. La curiosité d'Ordener, déjà éveillée par le nom de ce Kenibol qui lui avait tant causé de surprise la veille, redoubla au nom de Handisland. La même voix reprit. « Mes amis, Jonas, Norbit, si Kenibol est en retard, qu'importe, nous sommes assez nombreux pour ne plus rien craindre. Avez-vous trouvé vos enseignes dans les ruines de Krag ?»« Oui, oui, seigneur Hackett, » répondirent plusieurs voix. « Eh bien, levez l'étendard, il en est temps. Voici de l'or, voici votre invincible chef. Courage, marchez à la délivrance du noble Schumacher, de l'infortuné comte de Griffenfeld. »« Vive, vive Schumacher !» répétèrent une foule de voix, et le nom de Schumacher se prolongea d'échos en échos dans les replis des voûtes souterraines. Ordener, conduit de curiosité en curiosité, d'étonnement en étonnement, écoutait, respirant à peine. Il ne pouvait croire ni comprendre ce qu'il entendait. Schumacher mêlé à Kenibol, à Handisland, quel était ce drame ténébreux dont, spectateur ignoré, il entrevoyait une scène? De qui défendait-on les jours? De qui jouait-on la tête? Écoutez, reprit la même voix, vous voyez l'ami, le confident du noble comte de Griffenfeld. C'était la première fois qu'Ordener entendait cette voix. Elle poursuivit. « Accordez-moi votre confiance, comme il m'accorde la sienne. Ami, tout vous favorise. Vous arriverez à Drontein sans rencontrer un ennemi. »« Seigneur Hackett, » interrompit une voix, « marchons. Peters m'a dit avoir vu dans les défilés tout le régiment de Munkholm en marche contre nous. »« Il vous a trompé, » répondit l'autre avec autorité. Le gouvernement ignore encore votre révolte, et sa tranquillité est telle que celui qui a repoussé vos justes plaintes, votre oppresseur, l'oppresseur de l'illustre et malheureux Schumacher, le général Levin de Knud, a quitté Drontein pour aller dans la capitale assister aux fêtes du fameux mariage de son élève Ordener Gundenlo avec Ulrich d'Allefeld. qu'on juge de l'émotion d'ordinaire. Dans ce pays sauvage et désert, sous cette voûte mystérieuse, entendre des inconnus prononcer tous les noms qui l'intéressaient, et jusqu'au sien propre. Un doute affreux s'éleva dans son cœur. Serait-il vrai? Était-ce en effet un agent du comte de Griffenfeld dont il entendait la voix? Quoi? Schumacher, ce vieillard vénérable, le noble père de sa noble est-elle, se révolter contre le roi son seigneur? Soudoyer des brigands? Allumer une guerre civile? Et c'était pour cet hypocrite, pour ce rebelle, qu'il avait, lui, fils du vice-roi de Norvège, élève du général Levin, compromis son avenir, exposé sa vie. C'était pour lui qu'il avait cherché et combattu ce brigand islandais avec lequel Schumacher paraissait être d'intelligence, puisqu'il le plaçait à la tête de ses bandits. Qui sait même si cette cassette, pour laquelle lui, ordinaire, avait été sur le point de donner son sang, ne contenait pas quelques-uns des indignes secrets de cette trame odieuse. Ou plutôt, le vindicatif prisonnier de Munkholm, ne s'était-il pas joué de lui? Peut-être il avait découvert son nom. Peut-être. Mais combien cette pensée fut douloureuse pour le magnanime jeune homme. N'avait-il désiré, en le poussant à ce fatal voyage, que la perte du fils d'un ennemi? Hélas, lorsqu'on a longtemps porté le nom d'un malheureux en vénération et en amour, quand dans le secret de sa pensée on a juré à son infortune un attachement inviolable, c'est un moment bien amer que celui où l'on reçoit son salaire d'ingratitude, où l'on sent que l'on est désenchanté de la générosité et qu'il faut renoncer à ce bonheur si pur et si doux du dévouement. On a vieilli en un instant de la plus triste des vieillesses. On est devenu vieux d'expérience. Et l'on a perdu la plus belle des illusions de la vie, qui n'a de beau que les illusions. Telles étaient les désolantes pensées qui se pressaient confusément dans l'âme d'ordinaire. Le noble jeune homme eût voulu mourir dans ce fatal moment. Il lui semblait que toute la félicité de sa vie lui échappait. Il y avait bien dans les assertions de celui qui parlait, comme envoyé de Griffenfeld, des choses qui lui paraissaient mensongères ou douteuses. Mais comme elles n'étaient destinées qu'à abuser de malheureux campagnards, Schumacher n'en était que plus coupable à ses yeux. Et ce Schumacher était le père de son Ethel. Ces réflexions agitèrent d'autant plus violemment son cœur qu'elles s'y précipitèrent toutes à la fois. Il chancela sur les barreaux qui le soutenaient et continua d'écouter. Car on attend parfois, avec une impatience inexplicable et une affreuse avidité, les malheurs que l'on redoute le plus. « Oui, » poursuivit la voix de l'envoyé, « vous êtes commandé par le formidable Andislande. Qui osera vous combattre? Votre cause est celle de vos femmes, de vos enfants indignement dépouillés de votre héritage. » D'un noble infortuné, depuis 20 ans plongé injustement dans une infâme prison. Allons, Schumacher et la liberté vous attendent. Guerre aux tyrans. Guerre ! Répétèrent 1000 voix. Et l'on entendit dans les détours du souterrain un long bruit d'armes se mêler au son rauque de la trompe des montagnes. Arrêtez ! Cria ordinaire. Il avait descendu précipitamment le reste de l'échelle. L'idée d'épargner un crime à Schumacher et tant de malheur à son pays s'était emparée impérieusement de tout son être. Mais, au moment où il était apparu sur le seuil du souterrain, la crainte de perdre, par d'imprudentes déclamations, le père de son Ethel et peut-être son Ethel elle-même, avait remplacé tout autre sentiment en lui. Et il était resté là, pâle et jetant un regard étonné sur le tableau singulier qui s'offrait à sa vue. C'était comme une immense place d'une ville souterraine dont les limites se perdaient derrière une foule de piliers qui soutenaient les voûtes. Ces piliers brillaient comme des pilastres de cristal aux rayons d'un millier de torches que portait une multitude d'hommes, bizarrement armés et répandus confusément dans les profondeurs de la place. On eût dit avoir tous ces points lumineux et toutes ces figures effrayantes errer dans les ténèbres. Une de ces assemblées fabuleuses dont parlent les vieilles chroniques, de sorciers et de démons qui portaient des étoiles pour flambeaux et illuminaient la nuit les vieux bois et les châteaux écroulés. Un long cri s'éleva. « Un étranger ! Mort ! Mort !» 100 bras étaient déjà levés sur Ordener. Il porta la main à son côté pour y chercher son sabre. Noble jeune homme ! Dans son généreux élan, il avait oublié qu'il était seul et désarmé. « Attendez ! Attendez !» cria une voix. La voix de celui en qui Ordener voyait l'envoyé de Schumacher. C'était un petit homme gras, vêtu de noir, à l'œil gai et faux. Il s'avança vers Ordener. « Qui êtes-vous ? » lui dit-il. Ordener ne répondit pas. Il était saisi de toutes parts, et il n'y avait pas une place sur sa poitrine où ne s'appuya la pointe d'une épée ou le canon d'un pistolet. « Est-ce que tu as peur ? » demanda le petit homme avec un sourire. « Si ta main était sur mon cœur au lieu de ses épées, » dit froidement le jeune homme, « tu verrais qu'il ne bat pas plus vite que le tien, en supposant que tu es un cœur. »« Ha ha !» dit le petit homme. « Il fait le fier. Eh bien, qu'il meure !» Et il tourna le dos. « Donne-moi la mort, » répliqua Ordener. « C'est tout ce que je veux te devoir. »« Un instant, seigneur Hackett, » dit un vieillard à barbe touffue qui se tenait appuyé sur un long mousquet. « Vous êtes ici chez moi, et j'ai seul le droit d'envoyer ce chrétien raconter aux morts ce qu'il a vu ici. » Le seigneur Hackett se mit à rire. « Ma foi, mon cher Jonas, comme il vous plaira. Peu m'importe que cet espion soit jugé par vous, pourvu qu'il soit condamné. » Le vieillard se tourna vers Ordener. « Allons, dis-nous qui tu es, toi qui souhaitais si audacieusement de savoir qui nous sommes. » Ordener garda le silence. Entouré des étranges partisans de ce Schumacher pour lesquels il aurait si volontiers donné son sang, il n'éprouvait en ce moment qu'un désir infini de la mort. « Sa courtoisie ne veut pas répondre, » dit le vieillard. « Quand le renard est pris, il ne crie plus. » « Tuez-le. » Mon brave Jonas, reprit Hackett, que la mort de cet homme soit le premier exploit de Handisland parmi vous. Oui, oui, crièrent une foule de voix. Ordener, étonné, mais toujours intrépide, chercha des yeux ce Handisland, auquel il avait si vaillamment disputé sa vie le matin même, et vit, avec un redoublement de surprise, s'avançait vers lui un homme d'une stature colossale, vêtu du costume des montagnards. Ce géant fixa sur Ordener un regard atrocement stupide et demanda une hache. « Tu n'es pas Handisland, » dit Ordener avec force. « Qu'il meure ! Qu'il meure ! » cria Hackett d'une voix furieuse. Ordener vit qu'il fallait mourir. Il mit la main dans sa poitrine, afin d'en tirer les cheveux de son ételle et de leur donner un dernier baiser. Ce mouvement fit tomber un papier de sa ceinture. « Quel est ce papier ? » dit Hackett. « Norbith, prenez ce papier. » Ce Norbith était un jeune homme dont les traits noirs et durs avaient une expression de noblesse. Il ramassa le papier et le déploya. « Grand Dieu ! » s'écria-t-il. « C'est la passe de mon pauvre ami Christophorus Nedlam. De ce malheureux camarade qu'ils ont exécuté, il n'y a pas 8 jours, sur la place publique de Skongen, pour fausse monnaie. « Eh bien, » dit Hackett avec l'accent d'une attente trompée, « gardez ce chiffon de papier, je le croyais plus important. Vous, mon cher Handisland, expédiez votre homme. » Le jeune Norbith se plaça devant Ordener et s'écria, « Cet homme est sous ma protection. Ma tête tombera avant qu'il tombe un cheveu de la sienne. Je ne souffrirai pas que le sauf-conduit de mon ami Christophorus Nedlam soit violé. » Ordener, si miraculeusement protégé, baissa la tête et s'humilia, car il se rappelait combien il avait dédaigneusement accueilli en lui-même le vœu touchant de l'aumônier Athanase Munder. Puisse le don du mourant être un bienfait pour le voyageur. Bah, bah, dit Hackett. « Vous dites là des folies, mon brave Norbith. Cet homme est un espion. Il faut qu'il meure. »« Donnez-moi ma hache !» répéta le géant. « Il ne mourra pas !» cria Norbith. « Que dirait l'esprit de mon pauvre Nedlam qu'ils ont indignement pendu ? Je vous assure qu'il ne mourra pas, car Nedlam ne veut pas qu'il meure. En effet, dit le vieux Jonas, Norbit a raison. Comment voulez-vous qu'on tue cet étranger, seigneur Hackett? Il a la passe de Christophorus Nedlam. Mais c'est un espion, c'est un espion, reprit Hackett. Le vieillard se plaça près du jeune homme, devant Ordener, et tous deux dirent gravement. Il a la passe de Christophorus Nedlam, qui a été pendu à Skongen. Hackett vit qu'il fallait céder, car tous les autres commençaient à murmurer en disant que cet étranger ne pouvait mourir puisqu'il portait le sauf-conduit de Nedlam le faux-monnayeur. « Allons, dit-il entre ses dents avec une rage concentrée, qu'il vive donc, au reste c'est votre affaire. »« Ce serait le diable que je ne le tuerais point, dit Norbit triomphant. En parlant ainsi, il se tourna vers Ordener. « Écoute, poursuivit-il. Tu dois être un bon frère, puisque tu as la passe de Nedlam, mon pauvre ami. Nous sommes les mineurs royaux. Nous nous révoltons pour qu'on nous délivre de la tutelle. Le seigneur Hackett, que tu vois, dit que nous prenons les armes pour un certain comte Schumacher. Mais moi, je ne le connais pas. Étranger, notre cause est juste. Écoute, et réponds-moi comme si tu répondais à ton saint patron. Veux-tu être des nôtres ? Une idée passa dans l'esprit d'Ordener. « Oui, répondit-il. Norbit lui présenta un sabre, qu'il reçut en silence. « Frère, dit le jeune chef, si tu veux nous trahir, tu commenceras par me tuer. » En ce moment, le son de la trompe retentit sous les arceaux de la mine et l'on entendit des voix éloignées qui disaient « Voilà Kennyball !» Chapitre 32. Il a des pensées dans la tête qui vont jusqu'aux cieux. Romances espagnoles. L'âme a quelquefois des inspirations subites, des illuminations soudaines, dont un volume entier de pensées et de réflexions n'exprimerait pas mieux l'étendue, ne sonderait pas plus la profondeur que la clarté de 1000 flambeaux ne rendrait la lueur immense et rapide de l'éclair. On n'essaiera donc pas d'analyser ici l'impulsion impérieuse et secrète qui, à la proposition du jeune Norbit, jeta le noble fils du vice-roi de Norvège parmi les bandits qui se révoltaient pour un proscrit. Ce fut tout à la fois, sans doute, un généreux désir d'approfondir à tout prix cette ténébreuse aventure, mêlé à un dégoût amer de la vie, à un insouciant désespoir de l'avenir. Peut-être, je ne sais quel doute de la culpabilité de Schumacher, inspiré par tout ce qu'offrait de louche et de faux les apparences diverses qui avaient frappé le jeune homme, par un instinct inconnu de la vérité, et surtout par son amour pour Ethel. Enfin, ce fut certainement une révélation intime du bien qu'un ami clairvoyant de Schumacher pourrait lui faire, au milieu de ses aveugles partisans.